Matthieu chapitre 19. Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ses discours, il partit de Galilée, et vint vers les confins de la Judée, au-delà du Jourdain. Et de grandes troupes le suivirent, et il guérit à leurs malades. Alors des pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver, et ils lui dirent, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ?» Et il répondit, et leur dit, « N'avez-vous point lu que celui qui les a fait dès le commencement, fit un homme et une femme. Et qu'il dit, à cause de cela, l'homme laissera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare point. » Ils lui dirent, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner la lettre de divorce, et de répudier sa femme? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement il n'en était pas ainsi. Et moi, je vous dis, que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et se mariera à une autre, commet un adultère, et que celui qui se sera marié à celle qui est répudiée, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit, tous ne sont pas capables de cela, mais seulement ceux à qui il est donné. Car il y a des eunuques qui sont ainsi nés du ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits, eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci, le comprenne. Alors on lui présenta des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains, et qu'il priât pour eux, mais les disciples les en reprenaient. Et Jésus leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Puis leur ayant imposé les mains, il partit de là. Et voici, quelqu'un s'approchant, lui dit, Maître qui est bon, quel bien ferai-je pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu est le seul être qui soit bon. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, quel? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, et me suis. Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Alors Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous dis, qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne laisse qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Ses disciples ayant entendu ces choses, s'étonnèrent fort, et ils dirent, qui peut donc être sauvé? Et Jésus les regardant, leur dit, quant aux hommes, cela est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Alors Pierre prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, et t'avons suivi, que nous en arrivera-t-il donc? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, que vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant, et héritera la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers, seront les derniers, et les derniers seront les premiers.